Ok, yeah, Drick et Mehdi, le vrai combat, ha, d'ailleurs blaze, ok, papi, ILP sauce, je mène au combat, et quitte à foncer dans le tas, qui pour m'imposer, je parle on sait, j'irai au bout, la corde au cou, j'y mets le coup, les coudes, ça les couilles, vite le doute, reste lucide sur le premier shoot. Je veux ici bercer les pop français, parle en concret, moi je l'ai fait, fixé mon objectif, ne pas rester passif, c'est relatif, celui qui vise la réussite, ne recule pas devant la possible. Moi je veux goûter, c'est du paisible. Force le terrain, goûter l'inaccessible, foncer, froncer les sourcils, mais sans effet de style, pose donner mon rap en pleine gueule. Regarde comment j'accueille les têtes fâchées. Tous positionnés, prêts à briller le cœur, dur comme de la glace. Ça star pour assurer sa place, alors qui kiffe en plaque, mon vrai combat ne reste qu'un putain de fight. Yeah. Tout le monde regarde à vous pour le vrai combat. Franche ta lame, sors ta flamme et la taille du sac. T'es un fou sur ma vie, on va te la casser sur la tête. Prêt à entrer dans la boue pour le vrai combat. Pas préparé à temps, rap mitraillette, t'as tué leur texte. Il pile, papi, Diane, Jimmy, Ray sa violence fait tanker mon cœur à vomir. Cette rage à contenir me fait changer ma cible. On peut partir en couille ou garder nos douilles. Épargner les armes, laisser les balles au trou de boule. Ça s'appelle le vrai combat. Tout à moi, j'ai rien contre toi. Mélange pas, c'est souvent chacun pour soi et l'unité. J'ai pas fini de cuver. Tu veux me voir militer, mais j'ai pas fini de fumer. Tu sais trouver. Sourd homme sec, apparaît qui sont les traîtres. Apparaît rien qu'on les traite. Et pour des disques, on fabrique des vedettes. T'as des noms en tête, garde-les pour toi ou vas-y, va t'amuser. J'suis d'humeur à tuser. J'suis pas la brute, y'a toujours plus brutal. Mais t'as rien en vue, alors directement c'est fatal. Ici y'a pas le time, casse-toi. Mon vrai combat, c'est pas la castagne. C'est pas non plus Laetitia Casta. Tout le monde regarde à vous pour le vrai combat. Franche ta lame, sors ta flamme et la taille du sac. T'es un fou sur ma vie, on va te la casser sur la tête. Prêt à entrer dans la boue pour le vrai combat. Pas préparé à temps, rap mitraillette, t'as tué leur texte. Il pile, papi, Diane, Jimmy Fight. Toujours Ice Fight pour de vrai. En formation, j'ai fait mes classes au KGB Commando. Dans le système, scène, live, contact, public, studio. Sur la ligne de front, dans les rangs avec mes frères en Asie-Léance. Médite la discipline, mes racines ont poussé dans tous les sens. Comme une brousse africaine que l'on veut priver de son aisance. Tous les poings levés contre notre terre qui saigne. J'avance en France, où sexe, oseille, drogue, mais les frères en accouchement. Où les coutumes se dispersent. Le respect va le trouver dans le cul d'une vache. Marche comme un dingue entre fer de lance et hache de guerre. J'crache ma vibe sur des murs, moi sur des murs. Et ces cartes en font une putain de bannière. Tout le monde regarde à vous pour le vrai combat. Franche ta lame, sors ta flamme et la taille du sac. T'es un fou sur ma vie, on va te la casser sur la tête. Prêt à entrer dans la boue pour le vrai combat. Pas préparé à temps, rap mitraillette, t'as tué leur texte. Il pile, papi, Diane, Jimmy Fight. Micro en flamme, mon blanc d'aime chaud. Pas préparé à temps, rap mitraillette, t'as tué leur texte. PS Crew, Diane Blaze, Artificier, Jamel, Il Pissos, What a Team, What a Team, D'ailleurs Blaze.